نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم رحمه الله. Donc on est toujours avec le hadith numéro 25. On n'avait pas fini l'explication. Abu Dharr radiallahu anhu, donc également, comme il avait rapporté le hadith numéro 24, il nous dit: certains des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demandèrent et lui dirent: ô prophète, les gens fortunés l'emportent dans les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons et pratiquent l'aumône avec le surplus de leur richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Chaque tasbiha, le fait de dire subhanallah, est en effet une aumône. Chaque takbira, le fait de dire Allahu Akbar, est une aumône. Chaque tahmida, le fait de dire Alhamdulillah, est une aumône. Et chaque tahlila, le fait de dire La ilaha illallah, est une aumône. Recommander le bien est une aumône, interdire le mal est une aumône, et accomplir l'acte sexuel est encore une aumône. Les compagnons dirent alors: ô envoyé d'Allah, est-ce qu'assouvir son désir sexuel est sujet à rétribution? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: que pensez-vous? Si on l'accomplissait de façon illicite, ne commettrait-on pas un péché? C'est ainsi, lorsqu'on le fait de façon licite, on mérite une récompense. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. إذن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه أمرا، يقولون أن أصحاب الأموال أن الأثرياء الأغنياء ينالون عند الله سبحانه وتعالى أجرا أعظم من أجرهم. كيف ذلك؟ لأن بعض العبادات مالية وهم ليس لهم مال. بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصوم، الفقراء والأغنياء يصلون ويصومون. أما الصدقة مثلا، الذي ليس لديه مال زائد على حاجته لا يستطيع أن يتصدق بفضل ماله، فأصحاب الأموال يأخذون أجر هذه الصدقات. وهم يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، رأوا أن ذلك ليس عدلا، ولكن هو عدل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض العباد على بعض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال لهم، أخبرهم أن كلمة الصدقة ليست منحصرة في المال. صدقة ماشي ضروري تكون بالمال، هناك أنواع أخرى للصدقات، وقد تكون أفضل من الصدقة بالمال. منها ما أدري هل ذكرنا ذلك، مثلا الأمر بالمعروف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، كل ذلك يكون صدقة للإنسان. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذكار أفضل من التصدق بالأموال. ذكرنا حديثا الأسبوع الماضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وأفضل من أن تتصدقوا بالذهب والفضة وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله أفضل من التصدق بالمال وكذلك من القتال في سبيل الله وكذلك من الصدقات تعليم العلم يعني شخص أعطاه الله سبحانه وتعالى علما فإنه يعلم الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه المهم أن الصدقة ليست منحصرة في المال فالذي له مال له أن يتصدق بماله والذي ليس له مال له أن يتصدق بهذه الأمور فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة المراد بالبضع هنا الشهوة يعني في شهوتكم صدقة يعني شخص أتاته شهوته فإنه يأتي أهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أتى أهله يكون له تكتب له صدقة استغرب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر لأن الإنسان يتمتع بمثل هذه الأمور وكما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره فكيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر والعبادات كلها سميت تكاليف الإنسان يكلف نفسه حتى أن يفعلها ويجاهد هوى فكيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال صلى الله عليه وسلم واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القياس العكسي يعني حثهم على إعمال أفكارهم فقال لهم أرأيتم لو وضع في حرام لو أن شخصا زنى عياذا بالله أكان عليه وزر هل يأثم من زنى يأثم بل الزنا من كبائر الذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس العكسي ويجوز الإنسان أن يستعمل القياس العكسي القياس من الأمور المتفق عليها عند أهل السنة الأدلة شحال طيب أنت الآن بغيت تبين لشي واحد الحكم في واحد المسألة وقال لك جيبني دليل كم يعني أنواع الأدلة لا أربعة متفق عليها عندنا الكتاب والسنة لا الإجماع دليل والقياس القياس أن تقيس شيئا على شيء آخر هذا هو مسمى بالقياس القياس يعني أن يكون شيء ليس له حكم واضح في الإسلام ولكن لنا شيء يعني يشبهه فنقيس هذا على هذا أعطيكم مثال بالنسبة للزكاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الزكاة ذكر أن الزكاة تكون في الذهب والفضة وفي بهائم الأنعام وكذلك في عروض التجارة طيب بالنسبة لنا واش كانت تعملوا بالذهب والفضة نحن؟ لا بالنقود طيب وكيف الآن ما نخرج زكاة؟ نقيس على الذهب والفضة مفهوم؟ لجامع بينهما أن المالية كلها مال و يعني بشيء من النقود هذا ما يسمى بالقياس فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن استعمل القياس العكسي. قال له أيتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر. وهذا يدلنا على تحريم الزنا. على تحريم الزنا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما ذكر عباد الرحمن وصفاتهم قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالزنا يعني متفق العلماء متفقون على تحريمه، بل هو حرام في جميع الديانات السماوية. يعني ما في دين، لا في النصرانية ولا في اليهودية، يجيز ويبيح للناس أن يزنوا، فإنه حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضع في حلال كان له أجر. ولكن يشترط لذلك أن يكون لدى الإنسان نية، فإن ليس كل مجامع يؤجر، ليس كل مجامع يؤجر على جماعه. يقول الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي هو صاحب الكتاب وله شرح لهذا الكتاب الآن، فهذا يعني أورد الأحاديث ما في شرح، ولكن له كتاب آخر شرح الأحاديث، وله كتاب يعني هذا رياض الصالحين، وله شرح لصحيح مسلم، وله كتب كثيرة. فذكر في شرح الأربعين النووية وكذلك في شرحه على صحيح مسلم قال رحمه الله وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولدا صالحا، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا ومنعها من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. المهم أن الإنسان يؤجر على جماعه إذا قصد يعني شيئا طيبا، إن قصد قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولدا صالحا يعني بجماعه، أو إعفاف نفسه. شخص يفكر في الزنا فيأتي له حتى يعني يعف نفسه، وكذلك إعفاف الزوجة لأنها مكلفة كما كلف زوجها. فهذه النيات الصادقات تصير العادات عبادات، وقيس على ذلك جميع العادات، قيس على ذلك جميع العادات. أي عادة قصدت بها مقصدا طيبا تؤجر عليها. شخص ذهب للنوم مبكرا حتى يستيقظ لصلاة الفجر، أو حتى يعني ينشط يكون له قوة، فإنه يؤجر على نومه. كذلك شخص يعني قصد بأكله وشربه التقوي على عبادة الله، فإنه يؤجر على أكله وشربه. واش مفهوم؟ نفس الشيء. فالشخص إذا كانت لديه يعني نية صادقة فإنه يؤجر. شخص يعني حك أسنانه لأجل ذكر الله أو لأجل تلاوة القرآن فإنه يؤجر، ولكن لو فعل ذلك لمجرد النظافة فإنه لا يؤجر على ذلك. مفهوم؟ Donc, on était arrivé. Donc, dans ce hadith, les compagnons, radiallahu anhum, certains compagnons sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que donc, les gens fortunés remportent plus de récompenses que nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car donc, les adorations ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des adorations qui sont purement physiques, comme la prière, comme le jeûne. tout le monde prie, les pauvres et les riches. Tout le monde jeûne, les pauvres et les riches. Mais il y a certaines adorations que les gens fortunés peuvent accomplir et que les pauvres ne peuvent pas accomplir. Par exemple, le fait de donner une sadaqat aux nécessiteux. Également, le jihad. Allah dans le Coran, il a cité وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. À l'époque du prophète, lorsqu'il partait en bataille, il y avait des gens qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: est-ce que tu as une monture pour nous, pour partir avec toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: je ne trouve pas de monture pour vous. Donc il s'en allait en pleurant de peine de ne pas avoir de quoi donc dépenser dans le sentier d'Allah. Donc ils ne pouvaient pas non plus accomplir la guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont venus se plaindre de cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Le mot sadaqa, c'est plus vaste que le seul fait de donner de l'argent aux pauvres. Le mot sadaqa, c'est plus vaste que le fait de donner de l'argent. Il leur a dit donc le fait, tout l'adhkar, qui est donc tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tout cela est considéré comme une sadaqa. Peut-être même que l'adhkar, leur récompense est peut-être plus grande que le fait de donner de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le Musnad et dans Sunan, il nous dit: vous voulez que je vous montre une œuvre qui est la meilleure de vos œuvres et la plus pure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celle qui élève le plus vos degrés, et mieux pour vous que le fait de dépenser de l'or et de l'argent, et mieux pour vous que le fait de rencontrer votre ennemi, que vous lui tapiez le cou et qu'il tape le vôtre. Les compagnons radiyallahu anhum lui ont dit: qu'est-ce qui est meilleur que tout ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: zikrullah, le fait donc de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète donc a donné quelques exemples. Il a dit donc l'adhkar, il a dit le fait également aussi de d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et donc tous les actes donc sont considérés comme une sadaqa. Si toutes ces choses-là sont considérées comme sadaqa, la prière, le jeûne, les piliers de l'islam, à plus forte raison, sont considérés comme des sadaqat. La personne, elle est récompensée pour cela. On avait cité la semaine dernière donc les différentes sortes de bonnes œuvres. Il y a les bonnes œuvres qu'on appelle qasira, donc qui sont bénéfiques seulement pour celui qui les accomplit. On avait expliqué également le muta'addiya, ceux qui sont bénéfiques pour celui qui l'accomplit et pour les autres. Parfois, il y a certaines adorations que la personne accomplit, elles sont bonnes pour lui et pour les autres, comme le fait d'enseigner la science, comme le fait de également donner donc de l'argent, comme le fait également de construire une mosquée. Al-amr bil ma'ruf, lorsque tu ordonnes le convenable, c'est bon pour toi et pour celui à qui tu as ordonné. Et on a dit également que l'ibadat al-muda'addiya afdal min l'ibadat al-qasira. Les adorations donc où le bénéfice est pour toi et pour un autre, elles sont meilleures que les adorations qui sont seulement pour toi. Et à la fin du hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit par dire: et même l'acte sexuel est également une sadaqa. Les compagnons radiyallahu anhum ont été surpris de cela. Ils se sont dit: est-ce qu'assouvir son désir sexuel est sujet à rétribution? Car donc ils étaient habitués au fait que le fait d'accomplir une adoration, c'était un effort. Donc il faut faire un effort avec soi-même pour accomplir les adorations. Il faut se lever pour la prière. Il faut faire l'effort de se priver de manger, de boire pour le jeûner. Également le pèlerinage, c'est un grand effort. Donc ils se sont dit: comment la personne peut être rétribuée pour une chose dans laquelle elle prend un plaisir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur répondre, à utiliser ce qu'on appelle le qiyas ou l'aksi. Le qiyas, qui est en français, c'est quoi? L'analogie. Une analogie inverse. Comment ça, une analogie inverse? Premièrement, l'analogie. L'analogie est une preuve parmi les preuves que l'on peut donner pour appuyer un sujet. C'est un dalil. Il y a quatre dalils donc sur lesquels tous les savants sont unanimes. Et il y en a d'autres sur lesquels il y a divergence. Les quatre sur lesquels les savants sont unanimes, ils sont au nombre de, donc ils sont quatre. Il y a donc le Coran, il y a la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'ijma', le consensus, parce qu'il n'y a pas de divergence sur un sujet également. C'est une preuve. Si par exemple quelqu'un te demande c'est quoi le statut de telle ou telle chose, tu fais, tous les savants ils sont d'accord sur le fait que ce soit haram. Ça également c'est une preuve. Et la troisième chose, la quatrième chose, c'est l'analogie, le qiyas. L'analogie c'est quoi? L'analogie c'est de, donc nous avons un sujet sur lequel nous avons une preuve et un statut. Et nous avons une deuxième chose sur lequel il n'y a pas de preuve évidente. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le compare, parce qu'il donc, il ressemble à la première chose sur laquelle nous avons un texte, et donc on lui fait prendre le même statut. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la zakat, lorsqu'il a parlé donc des choses sur lesquelles il faut sortir la zakat, donc qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de l'or et de l'argent. Il a parlé des bestiaux, donc les chameaux, les vaches et les moutons. Il a parlé également d'oro de tijara, par exemple la marchandise, lorsqu'on est un commerçant. Hein? Voilà, également les céréales, donc qui sortent de la terre. Après, il y a d'autres choses comme la hassel, toutes ces choses-là, ça, c'est des trucs sur lesquels il y a divergence. Nous, à notre époque, on donne la zakat. Est-ce que nous, on traite avec l'or et l'argent? Non. On a de la monnaie, on a des billets, on a des pièces. On a fait l'analogie donc de cette monnaie avec l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une chose avec laquelle on se sert donc pour acheter et vendre. Mais sinon on n'a pas de texte pour dire la monnaie, l'euro, le dollar. Mais donc on se sert des hadiths sur ça. Et il y a beaucoup de sujets, surtout les sujets actuels, sur lesquels on est obligé de faire l'analogie. Par exemple, pour les savants, pour interdire le tabac, ils ont fait une analogie sur d'autres choses qui étaient à l'époque du prophète sallam, sur l'alcool, sur le fait que min al khaba'ith et toutes ces choses-là, donc pour pouvoir affirmer que le tabac est interdit. Donc c'est ça l'analogie. Donc le prophète ici, il a utilisé l'analogie inverse en leur disant, si cet homme avait donc assouvi son désir sexuel illicitement, c'est-à-dire en faisant zina, la fornication et adhan billah, qui est un grand péché parmi les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas donc de la fornication, innahu kana maqtan wa sa'a sabila. Donc ça c'est donc une chose détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala et un mauvais chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Furqan, à la fin, lorsqu'il a cité Ibad al-Rahman, les adorateurs du miséricordieux, parmi leurs caractéristiques, الذين لا يدعون مع الله إلها آخر, ceux qui n'adorent, qui n'invoquent personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, qui ne tue pas donc l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue illicite. Wala yaznun, c'est-à-dire qu'ils ne commettent pas la fornication. La fornication est un péché interdit dans toutes les religions. Le fait d'avoir des relations hors mariage est une chose interdite dans toutes les religions. Donc il leur a dit, voyez-vous, si donc il avait accompli, assouvi son désir sexuel de manière illicite, est-ce qu'il aurait été réprimandé? Les compagnons, on a dit, Allahu anhum, non. N'ont pas répondu, mais car c'est une question claire. Le prophète a alors dit, c'est ainsi, lorsqu'on le fait de façon licite, on mérite une récompense. On mérite une récompense. Le qiyas ou l'aksi istamalahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme fi sahihain. Yaqul sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man mata la yushriku billahi shay'an دخل الجنة. فقال عبد الله بن مسعود أنا قلت من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا قياس عكسي. عبد الله بن مسعود pour nous montrer que donc ce Cette analogie inverse a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt sans ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, il entrera au paradis. Abdullah ibn Mas'ud juste après il a dit, moi je vous dis, celui qui meurt en ayant associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala rentrera en enfer. L'inverse. Donc la personne elle est récompensée en ayant des rapports donc avec sa femme. À une condition, donc il faut avoir une bonne intention. Donc si donc cette chose-là est accompagnée d'une bonne intention, la personne est récompensée. S'il n'y a pas de bonne intention, la personne n'est ni récompensée ni punie. L'imam Nawawi, rahimahullah, donc l'auteur du livre, qui est décédé en 676, donc il a plusieurs ouvrages. Parmi ses ouvrages, celui-ci, les 40 hadiths, également Riyad Salihin, également il a un livre sur l'explication de Sahih Muslim. Donc dans l'explication de ce livre, dans Sahih Muslim, il nous dit, donc dans ce hadith, il y a une preuve, « Fiyad al-dalil » que les choses licites, les choses autorisées, le mubahat, deviennent des adorations si elles sont accompagnées de bonnes intentions. Donc si la personne, lorsqu'elle a des rapports donc, conjugaux, elle a comme intention, par exemple, le fait donc, de bien traiter sa femme, donc de lui donner son droit par cela, la personne elle est récompensée. Également, s'il a comme intention d'avoir un enfant pieux, il est récompensé. Si également, en ayant des rapports, son intention est de se préserver, donc de se préserver pour ne pas penser donc à la fornication ou des choses illicites, également il est récompensé. S'il fait la même chose pour sa femme, il est récompensé. Bref, si la personne a une bonne intention en faisant toutes ces choses-là, elle est récompensée. Et ce n'est pas seulement pour les rapports conjugaux, toutes les choses permises, le mubahat, si elles sont accompagnées d'une bonne intention, la personne elle sera récompensée. Le sommeil c'est ni interdit ni recommandé, c'est une chose autorisée. Mais si la personne en dormant elle a pour intention de se renforcer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Si la personne par exemple va dormir tôt pour se réveiller pour la prière de subh, la personne elle est récompensée pour son sommeil. C'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il disait ? Ahtasibu qawmati kama ahtasibu nawmati. Alors lorsque je suis éveillé, j'espère être récompensé également quand je dors. Pourquoi ? Parce que la personne en dormant, elle a également une bonne intention si c'est pour donc prendre des forces pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également pareil lorsque l'on mange. Le sahur que l'on prend le matin avant le jeûne, c'est pour donc se fortifier supporter la journée, affronter la journée de jeûne. C'est grâce à cette intention que l'on est récompensé, que le fait de boire et de manger est devenu une adoration. Également le sommeil. À titre d'exemple, Laylat Muzdalifa. Laylat Muzdalifa, les gens ils font salat al-Maghrib al-Isha et ils dorment tout de suite. Pourquoi ? Parce que le lendemain, ils ont quoi ? Là. Yom al-Hajj al-Akbar, Yom al-Aïd. Ils ont le beaucoup de choses à faire le jour de l'Aïd. Ils ont le Jamarat. Ils ont le Zebh. Ils ont Halq al-Ras. Ils ont Tawaf al-Ifada. Al-Halq. Ils ont quatre choses à faire. C'est pour ça qu'ils ont été appelés le Hajj al-Akbar. Donc la personne, lorsqu'elle va dormir, juste après avoir prié, elle est récompensée si elle a pour intention donc de se fortifier pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'antaqil al-hadith alladhi ba'dahu. Al-hadith al-sadis wal-ishrun. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة تميت الأذى وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Donc on passe au hadith numéro 26. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme, pour chacune de ses articulations, doit verser l'aumône chaque jour où le soleil se lève. Pratiquer l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou à lui hisser ses bagages est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Et tout pas effectué vers un lieu de prière est une aumône. Enfin, écarter ce qui nuit de la voie est également une aumône. Hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. ذكرنا ترجمة مختصرة للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه الذي اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الرحمن بن صخر واسم أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأثر صنع الله سبحانه وتعالى في تركيب الجسم الإنساني كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم, يعني في أنفسكم آيات ودلائل لوجود الخالق سبحانه وتعالى. يقول: كل سلامة من الناس. ما معنى سلامة؟ هي المفاصل, هي المفاصل في الأصل هو مفاصل الجسم, ثم استعملت هذه الكلمة لجميع عظام البدن. يقول: إذن كل سلامة على كل عظم من عظام بدنك لك عليك له صدقة, وجب عليك أن تؤدي صدقة لكل عظم من عظام جسدك كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي حديث آخر, حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم, ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد هذه العظام. شحال؟ نعم, 360 عظما. 360 عظما, والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب, من لو معلومة الأطباء ماذا يقولوا في العدد؟ أكثر؟ ها؟ نفس الشيء؟ طيب, على كل حال, سواء خالفوا أو وافقوا الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. أما الطب ما زال يتطور حتى يعني بإذن الله يصلون إلى العدد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عدد عظام البدن 360 عظما. إذن عليك أن تؤدي صدقة لكل عظم, أن تؤدي 360 صدقة في يومك شكرا لله سبحانه وتعالى أنه يعني خلقك في أحسن تقويم, أنه سواك فعدلك, أنك تتمتع بجسدك وتحرك يديك وتحرك رجليك. لولا هذه السلامة يعني لما استطعت أن تأتي إلى هذا المسجد, ما استطعت أن تصلي لله سبحانه وتعالى, يعني تركع ولا تسجد. ولهذا إذن عليك أن تؤدي صدقة عن كل سلامة. قال الله عز وجل يذكرنا يعني نعمة بالنعم التي يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى في يعني أجسادنا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الله عز وجل دائما يذكر امتنانه على الناس بهذه النعم، الطريقين، طريق الشر وطريق الخير. فالقليل من يتأمل هذه الأمور، القليل من يتأمل هذه الأمور. ولكن قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة السمع والبصر والنطق وغير ذلك، الحركات، الأعضاء إلى غير ذلك، فكل ذلك نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. مر رجل ب أحد السلف اسمه الفضيل بن عياض رضي الله عنه رحمه الله، توفي سنة 70 و80، وهو يبكي، صلى من الليل فبكى، فسئل عن بكائه: لماذا تبكي؟ قرأ قول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين فبكى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فبكى رحمه الله. فسئل عن بكائه فأجاب سائله بقوله: ألم تبت ليلة شاكرا لله سبحانه وتعالى على هذا اللسان؟ ألم تبت ليلة شاكرا لله سبحانه وتعالى على يديك؟ ألم تبت ليلة شاكرا لله سبحانه وتعالى على رجليك؟ فبدأ يعدد النعم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في أجسامنا، هذه كلها نعم. وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد رحمه الله يشكو ضيق حاله، يعني يشكو الفقر، فقال له: أيسرك بلسانك 100,000 دينار؟ فقال: لا. أيسرك بعينيك 100,000 درهم؟ فقال: لا. أيسرك برجليك 100,000 درهم؟ فقال: لا. فقال: أراكني تملك 100,000 وتشكو يعني ضيق حالك، فأنت غني، يعني أفقر شخص، يعني لا يستطيع يعني أن يبيع لسانه أو يبيع عينيه أو يبيع رجليه. فهذه الأمور يعني لها يعني قيمة يعني عالية، ويعني لا يعرفها إلا يعني أولو الألباب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'homme, pour chacune de ses articulations, doit verser l'aumône chaque jour où le soleil se lève. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait donc qu'il nous est créé de la meilleure des manières. Et il nous dit que pour chaque articulation, chaque os, il faut verser une sadaqa chaque jour. Dans un autre hadith, hadith Aïcha dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne le nombre de ces os, le nombre des os du corps humain. Il nous dit qu'ils sont au nombre de 360, qu'ils sont au nombre de 360 os dans le corps humain. Alors je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'ils disent les chercheurs, donc les gens qui s'occupent donc de l'anatomie, mais en tout cas, la vérité, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis presque certain que ce nombre, il augmente au fur et à mesure donc de la découverte dans la science. Admettons même le nombre qu'ils disent à l'heure actuelle, ce n'est pas le même nombre qu'ils disaient il y a une cinquantaine d'années ou bien une centaine d'années. Donc en tout cas, ils arriveront au nombre que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 360. Donc il faut donner 360 sadaqas chaque jour, en remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre donc de pouvoir utiliser ce corps. Allah, dans de nombreux versets du Coran, justement, il nous parle donc de tous ces bienfaits qu'Allah a donnés dans notre corps, afin que donc nous soyons reconnaissants. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé et a mis en vous l'ouïe, la vue, c'est-à-dire la raison, le cœur avec lequel vous réfléchissez. Peu d'entre vous sont reconnaissants. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien, et vous a donné donc l'ouïe, la vue et donc la raison, afin que vous soyez reconnaissants. Et dans Surat al-Balad, il dit Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Nous lui avons-nous pas donné deux yeux et une langue et deux lèvres? Nous lui avons montré donc les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran souvent, donc il nous parle donc de ses bienfaits afin que cela nous rappelle donc les grands dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Et parmi donc ces dons, le fait, les articulations, les os, donc grâce à eux, on peut bouger donc notre corps, on peut se rendre à la mosquée, on peut prier. Personne ne pourrait s'incliner ou se prosterner sans pouvoir bouger donc les articulations du corps. Pour nous montrer donc la grande valeur donc de ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre corps, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui est décédé en 187 de l'Hégire, un jour a lu le verset de Surat Al-Balad, Alan naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Et il a pleuré toute la nuit. Des gens l'ont entendu pleurer et l'ont questionné au sujet de cela. Pourquoi as-tu pleuré après avoir récité ce verset? Il a alors dit, n'es-tu pas resté une nuit pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir donné deux yeux? N'es-tu pas resté une nuit à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour t'avoir donné une langue, pour t'avoir donné deux lèvres? Et il a commencé donc à citer et dénombrer donc tous les bienfaits d'Allah présents dans le corps humain. Yunus ibn Ubayd, qui est décédé en 139, également donc parmi les pieux prédécesseurs, un homme lui est venu pour se plaindre de sa situation. Donc la personne était pauvre, dans le besoin. Il lui a dit, accepterais-tu que l'on te donne 100 000 dirhams pour tes deux yeux? L'homme a dit non. Accepterais-tu 100 000 dirhams pour tes deux mains? L'homme a dit non. Accepterais-tu 100 000 dirhams pour tes deux pieds? L'homme, il a dit non. Il a dit, pourquoi tu te plains alors que tu possèdes des milliers de dirhams? Donc il faut que l'homme il connaisse donc la valeur de ses membres et de ses organes. Donc tout cela sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا يَقُولُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة نعمة من الله سبحانه وتعالى وكذلك الفراغ والإنسان كما تعلمون سيسأل يوم القيامة عن النعيم قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم يقول الله عز وجل ألم نصح لك جسدك سيسألك عن الصحة ألم نرويك من الماء البارد الماء الذي يعني تشربه عند عطشك الله عز وجل سيسألك عن هذا الماء وهل مجرا إن كان يسألك عن الماء الذي تشربه لإرواء عطشك فإنه سيسألك عن أمور أعظم من ذلك والحديث رواه الإمام الترمذي وقال تعالى إذن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ستسأل عن السمع والبصر والفؤاد دونك دونك Donc toutes ces choses-là donc, sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, l'homme, yawm al-qiyama, donc il sera questionné au sujet donc, de tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits donc, qu'Allah nous a donnés, nous serons questionnés donc, sur chaque bienfait. Bienfait après bienfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc comme dans Sunan Tirmidhi, il nous dit, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandera à l'homme parmi les bienfaits, il lui dira il questionnera au sujet donc de la santé, de sa santé. N'avons-nous pas rendu ton corps sain? Donc, épargné de toute maladie. Donc chaque jour qui passe où tu es en bonne santé, tu seras questionné au sujet de cela. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et Allah dira, ne t'avons-nous pas donné de l'eau fraîche, même l'eau fraîche donc, que tu bois pour étancher ta soif, lorsque tu as soif, Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera au sujet de ça. Donc s'il te questionne au sujet donc, de l'eau qu'il te donne, il te demandera au sujet d'autres choses. Donc ça c'est les premières choses auxquelles tu seras questionné, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Dans surat al-Takathur, Allah nous dit, vous serez questionné au sujet donc des délices. Allah dit dans le Coran, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. L'ouïe, la vue et également donc le cœur, toutes ces choses-là seront questionnées. Donc on sera questionné au sujet de tout, c'est bien fait. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا على الشكر ويحثنا على أداء هذه الصدقة على كل سلامة من أجسادنا. هذا هو حقيقة الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشكر مثل لبعض الأعمال فقال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن حقيقة الشكر العمل. حقيقة الشكر العمل. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة صاد, في سورة سبأ أن لما أنزلت هذه الآية على آل داود ما من يعني ساعة في الليل إلا وجد مصل يصلي من يعني آل داود لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الآية. وداود أي كتاب نزل عليه؟ الزبور. هذا من الأمور التي نزلت في الزبور. فقال بعدما أنزلت هذه الآية على آل داود ما وجدت ساعة من الليل إلا وفيها مصل يصلي, يعني امتثالا لقول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم, فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى. على المسلم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous incite donc à remercier Allah subhanahu wa ta'ala donc pour tous ses bienfaits. Donc, et parmi ses bienfaits, donc les articulations du corps et les os. Et donc, la reconnaissance donc, de tout cela doit avoir lieu par les œuvres. Le fait d'œuvrer, c'est la vraie manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا أن العلماء يعرفون الشكر باستعمال نعم الله في طاعته. C'est quoi la définition de la reconnaissance, du remerciement? C'est le fait d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance. Le fait d'utiliser les bienfaits d'Allah dans son obéissance, c'est le fait donc de le remercier. Ce qui nous prouve que les actes sont une sorte de reconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Iyamalu ala Dawood ashukra. Dans Surat Saba, il ordonne à la famille de Dawood alayhi salam d'œuvrer en signe de remerciement. Iyamalu ala Dawood ashukra. Ibn Kathir rahimahullah, donc le célèbre Mufassir, il nous dit que après que donc ce verset a été révélé donc à la famille de Daoud, il n'y eut pas un moment de la nuit sans qu'il y ait parmi la famille de Daoud une personne en train de prier. Il n'y a pas un moment de la nuit sans qu'il y ait une personne parmi la famille de Daoud qui priait donc pour appliquer donc ce verset qui leur a été révélé, et amalu ala Daoud ashukra. Et comme tout le monde le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière nocturne jusqu'à que ses pieds gonflent. Se fendent à cause de la durée de sa prière. Lorsque les compagnons lui ont dit « Pourquoi fais-tu cela au messager d'Allah alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés antérieurs et à venir ?» Il a dit « Afala akuna abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Donc, tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont très nombreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faisait l'effort de les remercier. Wa min al-umur allati takun min ada' ash-shukr al-adhkar. Al-adhkar. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw min ahadin min khalqik فمنك وحدك لا شريك لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك في يومه فقد أدى شكر يومه ومن قالها في الليل فقد أدى شكر ليلته. هذا الذكر من قاله فقد أدى الشكر. يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فمنك وحدك لا شريك لك. الحديث في السنن. Donc parmi les moyens donc de donner donc ce remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a plusieurs œuvres donc qui peuvent donc rendre le serviteur reconnaissant. Parmi cela, l'adhkar. Donc adhkar qui sont après la prière, ou bien le matin, ou bien le soir, ou bien avant de dormir. Plus précisément, une chose qu'il faut dire le matin et le soir. Le prophète nous dit, celui qui dit le matin اللهم ما أصبح بي من نعمة أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. Celui qui dit cela, c'est-à-dire que فلك الحمد ولك الشكر. Il nous dit, celui qui dit donc le matin donc chaque bienfait donc de mon corps avec lequel donc je viens de me réveiller vient de toi seul. Bien d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. فلك الحمد ولك الشكر. À toi reviennent les louanges et les gratitudes. Le prophète nous dit, celui qui dit cela le matin, il aura alors accompli le remerciement donc pour cette journée. Et celui qui le dit le soir, il aura accompli donc le remerciement pour la soirée. Donc ces phrases sont très importantes. Donc il faut essayer donc de toujours les dire et d'être donc assidu à cela. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال فقال تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين صدقة. العدل بين اثنين يكون له صور, من أهم صوره صورتان. الأولى في القضاء, شخص قاضي أو حاكم يعدل بين اثنين, اثنان متخاصمان يعدل بينهما. فالذي يعدل في الحكم له فضل عظيم في ديننا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو. وكذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادي إمام عادي شكون كي يحفظ دائما كذكركم السبعة إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجلا تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل قلبه معلق بالمساجد رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه سبع المهم إنسان يحفظ هذه الأمور سهل فالعدل له يعني فضل عظيم في ديننا والسورة الثانية للعدل بين اثنين هو ما يسمى بالإصلاح ماشي القاضي شخص يعني يتدخل بين اثنين متخاصمين للإصلاح بينهما أما القاضي لا يريد الإصلاح ويقضي والإصلاح كذلك له فضل عظيم قال تعالى وأصلحوا ذات بينكم قال تعالى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تبلغون به درجة الصائم القائم المتصدق فقال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين سنأخذ أجر الصائم القائم المتصدق بالإصلاح بين المتخاصمين وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري اختصم أهل قباء حتى تراموا بالحجارة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن لفضل الإصلاح بين المسلمين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للإصلاح بين أهل قباء حتى لما رجع إلى مسجده وجد الناس يعني يصلون العصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مأموما إلا خلف رجلين خلف أبي بكر رضي الله عنه وخلف عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة المهم الإصلاح بين الناس له فضل عظيم ويعتبره النبي صلى الله عليه وسلم هنا صدقة donc le prophète صلى الله عليه وسلم ensuite a commencé donc à citer certaines œuvres qui sont considérés comme des aumônes. Donc ce hadith est proche du hadith précédent. Donc il y a certaines œuvres qui sont considérées comme des aumônes. Il nous dit, pratiquer l'équité entre deux personnes est une aumône. Donc l'équité, la justice. Le fait de pratiquer l'équité entre deux hommes, il y a donc plusieurs formes à cela. Parmi les formes les plus évidentes, il y a deux formes. La personne donc, qui est juge. Il y a deux personnes en querelle, ils viennent chez le juge, il juge avec équité. Il ne veut pas forcément les réconcilier, mais au moins il va juger entre eux avec justice et équité. Allah nous dit dans le Coran, « Inna Allah yamuru bil adl » Allah ordonne la justice donc, et l'équité. Et dans un autre verset, « Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin » Et soyez juste car Allah subhanahu wa ta'ala aime les justes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que « Yawm al-qiyama » les justes, ils seront sur des minbar minnour de lumière c'est-à-dire ceux qui sont justes donc dans leur jugement avec leur famille et donc ceux qui sont sous leur responsabilité mawalo et donc tout le monde connaît le hadith donc des sept personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama et parmi ceux-là le prophète nous a dit imamun adil donc un imam donc un dirigeant juste. Et donc la deuxième manière donc, de pratiquer l'équité entre deux personnes, donc c'est la personne, ce n'est pas un juge, mais une personne qui s'interpose entre deux personnes afin de les réconcilier. Et deux personnes en querelle, une troisième personne arrive et essaye de réconcilier ces deux personnes. Allah dans le Coran il nous dit « Wa aslihu dhata baynikum » c'est-à-dire réconcilier donc les la bonne entente entre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: vous voulez que je vous montre par quelle œuvre vous pouvez atteindre la récompense de la personne qui prie la nuit, al-qa'im, al-sa'im, la personne qui jeûne, ou al-mutasaddiq, la personne qui donne une sadaqa. Il leur a dit al-islahu dhatil bayn, le fait donc de faire régner la bonne entente entre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer donc la grande valeur de cela, lorsqu'il y avait des querelles entre les musulmans, il allait lui-même les réconcilier. Un jour donc il y avait une querelle entre les gens du quartier qui s'appelle Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf, donc qui est le quartier de Quba, les gens de Quba à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui-même. Ils se sont tellement querellés qu'ils se donc jetaient des pierres entre eux. Il est parti lui-même pour les réconcilier et il a même manqué le début de la prière de l'Asr. En revenant à Médine, la prière avait déjà commencé et c'était Abdurrahman ibn Auf qui dirigeait la prière. Le prophète sallam a fait la prière derrière lui, il était en retard. Le prophète sallam, il a fait la prière derrière, en tant que ma'moum, il n'était pas imam que deux fois. Enfin, derrière deux personnes. Derrière Abu Bakr et derrière Abdurrahman ibn Auf, donc dans ce que nous venons de citer. Bref, donc la justice est une chose très importante donc dans l'islam. ثم يقول وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. الانسان يؤجر على ذلك. الانسان يؤجر على اعانه الناس. ثم تحمله على دابته او ترفع له متاعه صدقه. وقيس على ذلك اي عمل تفعله تعين يعني بعض المسلمين مثلا لرفع يعني امتعتهم مثلا في ادراج العماره تؤجر على ذلك وكذلك يعني اي شيء تحمل اي شيء لاي احد فانك تؤجر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم يقول تعين الرجل لم يذكرنا هو مسلم او غير مسلم فحتى لو أنت يعني غير مسلم فبإذن الله تؤجر على ذلك. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. كذلك شخص تعطلت سيارته فدفعت له سيارته فبإذن الله تؤجر على ذلك. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: aider un homme à enfourcher sa monture ou lui hisser ses bagages est une aumône. Donc également, donc, ces services que le musulman rend donc aux gens, il est récompensé également pour cela. Donc la personne à l'aide, une personne à monter sur sa monture ou bien lui donner ses bagages également, donc elle est récompensée. Même à notre époque, donc, une personne qui a besoin qu'on lui l'aide à monter ses courses dans le bâtiment, la personne à l'aide, elle est récompensée, bi-iznillah. Pareil, une personne, sa voiture, elle est en panne, on l'aide à pousser, bi-iznillah, on est récompensé. Et ainsi de suite, la personne, elle obtient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des récompenses. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً كَذَلِكَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جميع أنواع الكلام الطيب من السلام فتسلم على أخيك لك به صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن السلام حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم ست أو خمس. شنو هما؟ طيب إفشاء السلام، تشميت العاطس، اتباع الجنائز، عيادة المريض. On l'a dit. إجابة الدعوة إذا أجابك فإذا أدعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح له. دونك يدخل في ذلك السلام ويدخل في ذلك التشميت العاطف وذكر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الطيب أن يصعد يرقى إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان أن يهتم بالكلام الطيب ويجتنب الكلام السيء كلام البذيء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit ensuite, dire une bonne parole est une aumône. Donc une bonne parole rentre cela toutes les choses. Le fait quand le musulman il dit salam alaykoum à son frère, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça rentre dans la bonne parole. Également tashmit al-atis, lorsque la personne éternue, elle dit alhamdulillah. Celui qui l'a entendu, il dit yarhamukallah, et celui donc qui a éternué le dit yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Donc il faut, parfois certains musulmans ici dans la mosquée qui éternuent et ils ont honte de dire alhamdulillah, il a peur de déranger les gens. Là tu dis alhamdulillah, les autres ils te font des invocations, ils disent yarhamukallah, yani yad'u Allah subhanahu wa ta'ala laka bil rahma. لا سمع وكيفاش انا غنقول لك يرحمك الله ما سمعتكش ها تقول الحمد لله لا تجهر بها تقول الحمد لله ولا كيفاش غنقول لك انا يرحمك الله لا اللي ما قالش الحمد لله لا نقول له يرحمك الله الانسان يقول الحمد لله ونقول له يرحمك الله وهو يجيب يهديكم الله ويصلح بالكم حتى هذه تقولها في خاطرك الإنسان يجهر بهذه الأمور كلها. وكذلك تلاوة القرآن وذكر الله. Donc ça rentre dans cela également, donc le fait de dire donc à la personne qui a éternué يرحمك الله. Donc la personne dit الحمد لله, on lui dit يرحمك الله, il nous dit يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc c'est des énormes invocations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse miséricorde. Il n'y a pas mieux comme invocation. Et lui, il répond يهديكم الله, qu'Allah vous guide et yuslihu balakum, et améliore votre situation. Donc rentre dans cela également dhikrullah, la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, la bonne parole elle monte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que le musulman toujours il essaie donc de dire des bonnes paroles avec les musulmans et qu'il évite donc les mauvaises paroles. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كذلك الإنسان يؤجر بكل خطوة يعني يمشيها إلى الصلاة. وعلى المسلم أن يهتم بالذهاب إلى المسجد ماشيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خطوة أنا لقادر يعني لقريب مع الأسف أن الناس يعني أصابهم الكسل. شخص ساكن قريب خمس دقائق على الأرجل وتجي يأخذ سيارته إيش؟ لا هذه الخطوات لها أجر. كان يقول لك بحال لا ماشي بحال وبالأخص في صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإذا ماشي بحال ومشى ولم يركب. أنا كنت أتكلم على شخص يعني قريب. مع الأسف عندنا ناس قراب وجايين في السيارة. هذا هو المشكل. شخص قريب علاش يعني يحرم على نفسه الأجر؟ قد يكون الإنسان يؤجر بذهاب بالسيارة. ولكن هذا أجر محتمل. ما يمكنش نجزمه به بخلاف اللي جاء على رجلي. نجزم أنه مأجور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة. أما شخص كيجي في السيارة نرجو له الأجر. أما الدليل ما يمكنش والقياس الله أعلم. القياس على الخطى الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجمعة يقول وما شاء ولم يركب. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقيس الركوب على المشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الله عز وجل يمحو به الخطايا ويرفع بها الدرجات. هذه الأعمال الثلاث، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني شخص يتوضأ في بمشقة مثلا في وقت بالماء البارد أو في وقت البرد، وكذلك كثرة الخطى إلى المساجد. فكلما Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, et pour chaque pas effectué vers un lieu de prière est une aumône. Donc chaque pas accompli donc pour se rendre à la mosquée ou bien à un autre lieu de prière, la personne, donc il lui sera écrit une aumône pour chaque pas. Ce qui nous prouve donc l'importance donc de se rendre donc à la mosquée et également de se rendre à la mosquée à pied. Donc ici, il nous parle donc de pas. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit : « Vous voulez que je vous montre les choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface les erreurs et élève les degrés donc, du serviteur ? » Il lui a dit : « Isbar al-wudu al-makari » le fait donc d'accomplir péniblement ses ablutions. Par exemple, la personne a fait les ablutions avec de l'eau froide ou bien à un moment où il fait froid, donc la personne elle est récompensée pour cela. Également, le fait de faire beaucoup de pas pour se rendre à la mosquée. Et la dernière chose, le fait d'attendre entre les prières. La personne, elle fait la prière et elle reste à attendre l'autre prière sans sortir de la mosquée. Donc ces choses-là, elles ont une grande récompense. Et beaucoup de gens qui vont dire, la voiture, c'est comme à pied. Il n'y avait pas de voiture à l'époque du prophète sallam, c'est pour ça qu'il n'a pas cité cela. Non. Par exemple, en ce qui concerne la prière du vendredi, le prophète sallam, il a dit « Man rassala wartasel ». Donc « man rassala », il y en a qui ont dit qu'il provoque l'irtisel de sa femme. « Wartasel huwa »« Wabakkara wabtakar ». Donc bref, il se rend tôt à la mosquée « Wamasha walamirkab ». C'est-à-dire il va à pied sans prendre sa monture. Malheureusement, donc, on est à une époque de la paresse. Il y a des gens qui habitent très proche de la mosquée, malgré cela, ils prennent leur voiture. En ce qui concerne les gens qui viennent à pied, nous sommes certains qu'il est récompensé pour chaque pas qu'il fait, parce que nous avons un hadith. Contrairement à celui qui prend la voiture, on espère qu'il est récompensé, mais on n'est pas sûr. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il n'a pas considéré la voiture comme à pied. Il a dit « wa masha wa lam yarkab » en ce qui concerne la prière du vendredi. Donc il faut faire l'effort pour les gens qui sont proches de la mosquée donc de venir à pied. « Hay banu salima ishtakaw ila nabi sallallahu alayhi wa sallam bu'da diyarihim » Alors, on a sakni l'baïd. « Fin banu salima » مجد القبلتين حاليا مجد القبلتين بعيد من مجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم كانوا دائما يعني غادي جايين لمجد النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نريد أن ننتقل إلى قرب مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب أثركم. يعني بقوا تما أجركم أعظم. Donc les gens du quartier de Bani Salima, qui est donc qui est loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à l'heure actuelle donc là où se trouve la mosquée de Qiblatayn, un jour ils sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: on habite trop loin, on veut donc déménager vers ta mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: restez dans vos maisons, diyarakum tuktab atharukum, donc vos pas seront inscrits, donc vous aurez une meilleure récompense si vous restez là où vous habitez. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتميت الأذى عن الطريق كذلك صدقة. إماطة الأذى عن الطريق كذلك عبادة من العبادات من هي من علامات الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني يتنعم ويتقلب في الجنة. طيب ما فعله؟ قال: قطع شجرة في ظهر طريق الناس تؤذي المؤمنين، فلذلك يعني دخل الجنة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit ensuite: écarter ce qui nuit de la voie est également une aumône. Donc lorsqu'il y a une chose qui gêne les gens dans un passage, si la personne donc retire cette chose-là, elle sera récompensée. C'est un signe de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi, elle possède 60 et quelques ramifications, branches. La plus haute de ces branches, c'est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse de ces branches, c'est le fait donc d'écarter un obstacle donc dans un passage. Et la pudeur est une ramification parmi les ramifications de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa Sahih Muslim, il a dit à ses compagnons: j'ai vu un homme yataqallabu fil jannah, c'est-à-dire s'amuser au paradis. Quelle est son œuvre? Il a coupé un arbre qui était en plein milieu donc d'un passage d'une route et qui gênait donc les musulmans. Par cette œuvre-là, donc il est rentré au paradis. في رواية لهذا الحديث: إذا على الإنسان أن يعمل شحال من صدقة؟ 360 قلنا. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث يقول: يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فشخص يعني إن أراد أن يؤدي هذا العدد 360 صدقة يكفيه أن يركع ركعتي الضحى. وصلاة الضحى يعني معروفة نافلة من النوافل تؤدى ما بين يعني ارتفاع الشمس قيد رمح، ماشي طلوع الشمس، يعني بعد شوية بعد الشروق، ربع ساعة بعد الشروق تقريبا، هذا أول وقت. أما وقت الشروق يعني ممنوع الصلاة، لا نقول ثلث ساعة، أما وقت الشروق ممنوع الإنسان يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالأول وقت ارتفاع الشمس قيد رمح في السماء بعد طلوع الشمس، وآخر الوقت وقت الزوال، يعني قرب قبل الزوال تقريبا بثلث ساعة. ويعني أقل ركعة الضحى، أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها 8 ركعات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عام الفتح كما في البخاري 8 ركعات في وقت الضحى. فمن صلى صلاة الضحى فكأنه أدى يعني صدقات يومه لكل سلامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc il nous dit dans une autre version de ce hadith dans Muslim, donc celui-là il est dans le Bukhari et Muslim, et dans Muslim tout seul, il nous dit que donc l'homme il doit faire donc une sadaqa pour chaque articulation de son corps. Donc on avait dit que 360. Mais à la fin du hadith il nous dit: il suffit à l'homme, plutôt de faire 360 sadaqa, de faire 2 rak'at à l'heure au moment de Doha, qui est la prière donc de Doha. Si la personne a fait 2 rak'at, elle aura accompli toutes les sadaqas pour chaque articulation de son corps. Donc salat de Doha donc qui doit être donc effectué le matin. Le premier moment pour accomplir salat de Doha, c'est lorsque le soleil donc se lève. Le soleil donc il se lève qu'on appelle shuruq. Donc il y a un moment qu'on appelle shuruq. Au moment de Shuruq, la prière, elle est interdite. Au moment de Shuruq, la prière, elle est interdite. Puis, un quart d'heure après, il est repermis de prier. Par exemple, je sais pas si... Dans les calendriers, donc, il y a écrit Shuruq. Au moment de Shuruq, c'est interdit de prier. Un quart d'heure après, il est permis de prier. C'est le premier moment où on peut accomplir Salat Duha. Et le dernier moment, c'est environ 20 minutes avant la prière de Dhuhr. Entre ça et la prière de Dhuhr également, c'est interdit de prier. Car donc, c'est le moment. Également, il n'y a pas de prière juste avant la prière de Dhuhr. Le plus petit nombre de raka'at pour Salat Duha, c'est 2 raka'at. Celui qui fait cela, il aura accompli le sadaqa de sa journée. Et le plus grand nombre, c'est 8 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de Fath Mecca. Fath Mecca wa shmina'am. Samania. Il a donc la reconquête de la Mecque, c'était l'année 8 de l'Hégir. Il a fait 8 raka'at au moment de Duha, comme c'est cité dans Sahih al-Imam Bukhari. Sallallahu ta'ala ni wafiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa radha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.